Emilia conclut cette altercation qu'Othello est jaloux, et elle insiste auprès de Desdemona sur le danger des maris jaloux. Mais Desdemona tient toujours à plaider la cause de Cassio auprès d'Othello. De son côté, Cassio, que Bianca, sa maîtresse, une prostituée, vient de retrouver, lui demande de copier le mouchoir qu'il a trouvé par hasard dans sa propre chambre et qu'il trouve particulièrement beau. Avec le mouchoir pour preuve tangible, Iago convainc Othello de l'infidélité de Desdemona et Othello s'évanouit. Cassio arrive au secours de son général, mais Iago lui conseille plutôt de l'attendre un peu plus loin, afin qu'il puisse discuter. Othello revient à lui, et Iago lui demande à son tour de se cacher et de prêter attention aux aveux qu'il souhaite obtenir de Cassio. Cassio revient, et par un double discours, tantôt dit haut, tantôt chuchoté, Iago fait croire aux aveux de liaison de Cassio, alors qu'il parle de sa relation avec Bianca. Celle-là arrive justement, énervée, pour remettre à son amant le mouchoir qu'il y a remis plus tôt et qu'elle suppose appartenir à une autre maîtresse. Iago conseille au lieutenant de suivre Bianca pour régler ce quiproquo.